Pour commencer, donc, moi je voulais présenter la collectivité pour laquelle je travaille, communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccara, sur laquelle j'ai une mission aujourd'hui liée aux métiers d'art et métiers rares, et qui fait sens aussi beaucoup avec la forêt, puisqu'on vient de faire le diagnostic forestier du territoire et l'importance des espaces boisés. En fait, c'est la moitié de la surface de notre collectivité qui est occupée par des espaces boisés. Espace boisé qui a reculé depuis le 19e, mais qui explique aussi pourquoi on a été le lieu où se sont implantées des manufactures, trois manufactures royales, deux manufactures de faïence et une manufacture de cristal. Voilà. Et aujourd'hui, on retravaille autour de cet espace boisé avec des notions aussi sur les rôles fondamentaux de ces trames dites vertes et bleues, puisqu'on a aussi la chance d'être traversé par la vallée, enfin d'être installé autour de la vallée de la Meurthe, qui a eu aussi toute son importance sur le développement économique. Voilà. Alors. Pour, du coup, Joseph-Émile Gridel est assez représentatif aussi de l'histoire de ce territoire. Donc, pour vous le présenter rapidement, né en 1839 à Baccara, mort en 1901 à Baccara, il y a vécu quasiment toute sa vie. Il est le fils de Joseph Gridel, qui était notaire, maire et conseiller départemental, et de Charlotte-Françoise Adrian, qui, elle, est issue de la lignée des maîtres de poste de Bénaménil, lignée qui semble remonter à Louis XV. Un personnage qui aura beaucoup d'importance dans le parcours de Joseph-Émile Gridel est son oncle, donc l'époux de la sœur de son père, Jean-Baptiste Toussaint, qui était chimiste et qui a été directeur et administrateur de la cristallerie Baccara, et qui lui-même a un parcours assez atypique, puisqu'en fait il a été adopté par le directeur de la manufacture, qui lui a transmis ensuite la charge de la manufacture après le décès de son propre fils. Et cet homme aura vraiment une importance forte dans le parcours de Joseph-Émile Gridel. Alors, première image de cette importance, la collection, donc Gridel est connu sur le territoire aussi parce qu'il y a une collection de presse-papier de 1848, donc vous voyez qu'il était tout petit, il avait 9 ans, et en fait on dit qu'il était déjà très doué pour la peinture et le dessin, et il a fait une série de petits animaux découpés dans du papier, donc vous voyez ici un coq, un cheval, ce qui semble être un renard, il y a un escargot, et son oncle a trouvé la collection tellement aboutie, en fait, qu'il en a créer une collection de presse-papier, des sulfures, donc où normalement les presse-papier contiennent tous un animal, et il y a une toute petite collection qui a les 18 figurines, et Joseph-Émile Gridel a été payé par le don d'un presse-papier aux 18 formes. Voilà. On reconnaît depuis son enfance ce talent, mais son père a décidé qu'il devait faire son droit. Donc, il l'envoie à Paris faire son droit, et très rapidement, le jeune Joseph-Émile va quitter les bancs de l'école de droit et va préférer aller fréquenter les ateliers des grands peintres parisiens, et ça va poser un énorme problème familial. Le père va lui couper les vivres, et c'est à nouveau l'oncle qui va intervenir et qui va dire et qui va persuader en fait le père de Joseph-Émile Gridel de le laisser aller et mener à bien sa carrière de peintre, parce qu'il lui semble qu'il est fait pour ça. Donc là, il va intégrer un certain nombre d'ateliers parisiens, Couture, Courbet, et puis... Alors Courbet, il semble qu'il ne l'ait jamais fréquenté directement, qu'il ait été sur l'atelier. Et puis Feyenne Perrin, dont il est cousin. Voilà. Et là, il va commencer ses classes en se formant. Alors, il va choisir, entre autres, par exemple, l'atelier de Courbet, parce que ce qui l'intéresse, c'est déjà la peinture animalière, et que l'atelier est réputé pour ça. Voilà. Alors, Je vous ai mis des choses assez... C'est très difficile aujourd'hui. En fait, la collection est assez dispersée. C'est très difficile de trouver des peintures, y compris parce que la ville de Baccarat est détentrice de très grands tableaux qui sont aujourd'hui qu'on est en incapacité de photographier. Je vous expliquerai pourquoi. Et au milieu, j'ai trouvé le tableau du lion, qui est assez atypique. Et je pense que c'est un travail d'étude, en fait, de recherche. J'ai retrouvé des choses assez... Je pense que c'est un travail d'étude autour de Delacroix, mais... Il y a un historien de l'art. C'est pas ma spécialité, la peinture, donc peut-être qu'on va me contrer après. Voilà. 1865, il va faire sa première exposition au Salon de Paris et il y présente ses deux premières grandes toiles, Retour de chasse et Un sanglier. Et il est immédiatement acheté par un collectionneur. Et là, ça va être le début de son parcours de peintre qui... Alors, et un parcours pas neutre. Hein. Il a reçu un certain nombre de prix. Il a fondé le Salon international de la peinture de chasse et de vénerie. Et encore aujourd'hui, régulièrement, des ventes de ses toiles au niveau international ont lieu. Voilà. Alors, il revient en 67 à Baccarat. Il y épouse Marie-Louise Bourion, qu'il a rencontrée à l'occasion des fêtes du centenaire du rattachement de la Lorraine à la France, dite fête de l'impératrice. Et comme cadeau de mariage, son père va faire construire cette magnifique maison que vous pouvez encore voir sur Baccarat, qui a été vendue il y a très peu de temps pour devenir une annexe de l'hôpital de Baccarat. Et il hérite à ce moment-là d'un certain nombre de terrains. Il est propriétaire de forêts et de vignes. Et à partir de 1867, sa vie est consacrée à peindre et à chasser uniquement. Il peint, il va environ 3 semaines à 1 mois au mois de mai à Paris chaque année pour participer au Grand Salon de peinture. Et il revient à Baccarat. Et vous avez ici une très belle photo de lui dans son atelier. Voilà le personnage. Alors on y découvre, enfin on voit plusieurs de ses tableaux hein, sur les murs, qui sont plutôt là des tableaux, des tableaux militaires. Et en parallèle de cette vie de peintre et de chasse, il va occuper toute sa vie la charge de louvetier. C'est-à-dire qu'il est en charge de maintenir la place des nuisibles dans les forêts. Les loups, certes, mais surtout les sangliers, qui sont le pire nuisible de ce moment-là. Et il va en tirer un ouvrage, « Souvenir d'un louvetier », qui sera publié en 1891. Une réédition a été faite en 2011, mais malheureusement, la plupart des visuels que je vous mets là sont issus de Souvenirs d'un louvetier. La réédition a beaucoup endommagé la qualité des illustrations. Quand je vous dis que c'est un grand chasseur, dans cet écrit de 1891, il annonce qu'il vient d'abattre son 1224e sanglier depuis 1867, donc en moyenne 50 sangliers abattus par an, et certaines années beaucoup plus. Donc c'est vraiment énorme. Sachant qu'en plus, il va être privé de chasse pendant les périodes 70-71, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc dans cet ouvrage de 260 pages, il va écrire 12 textes, où il y a beaucoup de remarques d'histoire naturelle qui permettent de comprendre à quel point il est connaisseur de la forêt, des animaux, des mœurs des animaux. Il va aussi donner beaucoup de conseils sur les techniques de chasse et il va mêler ça de souvenirs personnels, soit de chasse marquante, soit de remarques sur la situation politique, morale de son temps. Il le préface en disant qu'il n'a jamais eu la prétention de faire un livre. Il a écrit ses notes à bâton rompu, ne pensant pas les réunir un jour. Aussi, je les dédie telles quelles à mes compagnons en Saint-Hubert, tout en priant ceux qui me liront d'être indulgents à quelqu'un dont la main a tenu plus souvent le fusil que la plume. quand on plonge dans son ouvrage, on se dit qu'il était très humble, ma foi, et qu'en fait, il a une très très belle écriture en plus. Vous allez le voir plus tard, parce que je vais surtout vous lire des textes de cet ouvrage. Tous les portraits que j'ai pu trouver de Gridel sont des portraits en chasseur. Donc, vous en avez un d'Aimé Moreau ici, un de Fayenne Perrin, à l'occasion de leur... ils ont fait... Alors, là, je ne vais pas du tout vous parler de cette partie de sa vie, mais il a fait plusieurs voyages, en particulier en Bretagne. Il y a une très belle exposition qui a eu lieu autour de ça. Il a ramené... quand il voyageait, il faisait beaucoup de peintures de genre. C'est intéressant, particulièrement aux costumes. Donc, ça a été le cas pour la Bretagne, mais aussi les Pyrénées. Et là, ce portrait de Gridel par Fayenne Perrin a été fait en Bretagne à l'occasion d'une chasse aux oiseaux marins. Voilà. Donc vous voyez que son travail est assez remarquable, hein, de représentation des animaux. Je vais continuer en vous lisant un extrait que je pense être le plus bel hommage à la forêt de son ouvrage. Nous entrons dans la montagne. Voyez comme elle est belle dans ce manteau de velours vert que les sapins ont jeté sur ses flancs. Les hêtres jaloux l'ont brodé d'or bruni, les fougères l'ont frangé de fines guipures, les gouttes de rosée étincellent partout au feu du soleil levant et diapre de pierre ce décor féerique. Tout se teint de couleurs vives, la brume a disparu, c'est à peine si quelques flocons restent suspendus par franges aux rameaux des arbres séculaires. C'est toujours avec une émotion profonde que l'on pénètre dans la grande forêt vosgienne. Et, à l'heure qu'il est, moi, vieux coureur des bois, qui ai usé pendant 30 ans mes souliers ferrés dans tous les sentiers du pays, je ne m'en défends pas. Tout y est silence et mystère. Sous cette futaie immense, on éprouve une émotion involontaire qui vous saisit à l'entrée d'une basilique. Et c'est bien un temple que cette forêt merveilleuse, le vrai temple de la nature. La voûte en est infinie, elle a pour pilier les troncs des sapins centenaires. La mesquinerie humaine n'en a point profané la grandeur et elle a conservé intacte toute cette solennelle majesté. Quel recueillement mystique vous saisit dans ce grandiose asile de la paix et du silence. Rien ne vient troubler ce calme profond. Et le petit caillou qui roule alors sur le flanc de la montagne y a plus d'écho que la chute d'un ministre ou d'un puissant de la terre. Les seuls bruits qu'on y entende parfois sont encore en harmonie avec cette nature sauvage. Tantôt c'est un milan qui rase la cime des sapins en poussant dans l'espace son miaulement plaintif. Tantôt c'est le grand pic noir qui interrompt son travail de forçat pour jeter aux échos les éclats de son rire de démon. La nuit, cette solitude s'anime. Le grand-duc chante son hymne aux ténèbres. Les cerfs brament leurs rues. Bientôt, les disors se battent. Les ramures s'entrechoquent et les pieds nerveux martèlent furieusement le sol. Les compagnies de sangliers se font entendre. Leur souffle puissant est entremêlé de grognements sourds. La chevrette, d'une voix aigre et tremblotante, rappelle ses fangs égarés dans les bruyères, pendant qu'un renard en chasse glapit à la poursuite d'un lièvre. Mais avec le jour, tous ces bruits s'éteignent et le vert tapis de mousse et de myrtille semble n'avoir jamais été foulé par aucun être vivant, lorsque l'aube, pénétrant blanche et discrète à travers les rameaux épais, vient éclairer les mystérieuses profondeurs de la forêt. Et effectivement, dans son iconographie, on va trouver quasiment tous les animaux présents dans les forêts vosgiennes. Ça va de la bécasse au cerf, aux gélinottes, et puis quand même à son sujet fétiche, qui est le sanglier. Alors, on en a parlé avec quelqu'un qui est dans la salle, qui m'a offert tout à l'heure un petit livre, Le Coq de Bruyère. Il nous rappelle aussi que des espèces, donc il y a un peu plus d'un siècle, étaient encore présentes, dont le coq de Bruyère, dont il dénonce déjà en 1891 l'extinction, la quasi-extinction, mais qu'on peut encore trouver dans les Vosges. Et il décrit une chasse qui est en fait une chasse de braconnage qui se pratique donc pieds nus. Alors là, on voit son illustration. Alors là, je suis désolée pour la qualité du, de la reproduction, mais j'ai pas pu trouver mieux. Donc l'homme marche sans bruit dans un étroit sentier. Il est nu-pied parce que ses souliers retentiraient sur les pierres et feraient craquer les branches sèches. Donc ferait partir le coq de bruyère, et en fait c'est une chasse qui se pratique à la saison des amours quand le coq va chanter, donc il va être victime de son chant. Et en fait c'est très étonnant parce qu'en fait dans ses écrits il va à la fois être admiratif des techniques de chasse et totalement critique, parce que c'est un braconnage, que c'est un braconnage qui met en danger la pérennité d'une espèce. Et il termine son texte par « À quoi bon tuer cet oiseau ? N'est-ce pas un crime que de profiter de l'instant où les ardeurs du printemps lui font perdre toute prudence et le livre, pour ainsi dire, sans défense à celui qui veut en faire sa proie ?» Alors, je vous disais tout à l'heure, on a la chance à Baccarat d'avoir de très grands tableaux qu'il a offerts de son vivant, qui sont deux tableaux qui ont été primés, qui s'appellent Coup double et j'ai oublié le nom du suivant, et en fait qui sont des tableaux de salon, donc c'est des très très grands formats qui étaient faits pour attirer de très loin dans les salons de peinture, et en fait il a vendu des plus petits tableaux qui sont des copies, enfin, ou des adaptations du grand tableau. Donc Coup double, j'ai trouvé 17 exemplaires quasiment du même tableau, la même composition, mais un personnage qui n'est pas tout à fait dans la même inclinaison, un chien qui est plus ou moins agressif, voilà. Beaucoup. Alors par exemple, ce dessin du solitaire, on le retrouve dans Coup double. C'est exactement la même posture du sanglier qui est en train de traverser un chemin devant. Voilà. Une autre version encore de Coup double. Et là, c'est le premier sanglier, enfin celui qui est le plus proche de nous, qui est différent selon les versions. Il n'y a pas forcément toujours les deux personnages. Et voilà le deuxième, c'est la chasse au matin. Voilà. Donc, pour moi, impossible de vous photographier ceux qui viennent d'être restaurés et qui sont à Baccarat, puisqu'on n'a pas assez de recul, ils font 4 mètres de large, et on a un recul de 3 mètres, donc on ne peut pas jamais les centrer. Et en plus, ils sont protégés par une vitre aujourd'hui, donc là, c'est les mêmes adaptés. Et ici, il y a le portrait de son chien Lion, qui va être blessé et qui est un chien auquel il est très très attaché, donc il va lui dédier de très beaux textes. Retour de chasse, donc là où il décrit aussi, on voit le chien blessé, il décrit qu'il va faire des battues où il a parfois 40-45 fusils avec lui. Il parle aussi de cette tension quand on est louvetier de tenir une battue comme ça pour éviter qu'il y ait des blessés, de tout ce qui doit être pris en compte. Et puis pour terminer, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui vit sur le territoire à Deneuvre Jacques Aliès, qui est un monsieur de plus de 80 ans, qui est son petit-fils et qui a repris les deux passions de son grand-père, qui sont la peinture. Alors pour lui, c'est pas la peinture, c'est la gravure, et la chasse. Il a une très belle collection privée des tableaux de son grand-père, et voilà une de ses gravures liée à la tempête de 89, et puis une très belle gravure La forêt glacée avec un chevreuil en course. Et les cadeaux de la vie, aujourd'hui Jacques Aliès est en train de transmettre ses passions à sa propre petite fille qui reprend le flambeau et qui est en école d'art et qui va sans doute continuer à travailler sur cette peinture, enfin, sur un rapport artistique à la nature et à la forêt.